Constant se dira... Constanté ? Réessayez. Constanté. Attention, il n'existe pas de voyelle nasale en espagnol. Hein? Alors, O-N se dit on. Et E-N se dit N. Donc, on dira... Constanté. Oui, hein? Mais on a une voyelle à la fin. Donc, on accentue non la syllabe finale, comme vous venez de le faire, constanté, vous avez dit, mais on accentue l'avant-dernière syllabe, constante. D'accord. Constante. C'est ça, hein? Constante. Et intéressant. Interessante. Oui, répétez-la encore une fois. Interessante. Interessante, hein, c'est ça. Et ce mot, on l'écrit avec un seul S, car le double S n'existe pas en espagnol. Donc, interessante avec un seul S. Urgent se dit urgente. Donc, le G devant E ou I se prononce R en espagnol. Donc, urgent, c'est urgente. Urgente. Et ça s'écrit comme en français avec un G. Donc, dites s'il vous plaît, c'est très urgent. Es muy urgente. Urgente. Hein? Je veux aussi bien entendre le R que le son R. Urgente. Urgente. C'est ça. Urgente. Es muy urgente. Comment direz-vous « j'en ai besoin maintenant » C'est très urgent. Lo necesito ahora. Es muy urgente. Es muy urgente. Réessayez encore une fois. Urgente. Il faut qu'on entende aussi le R. Hein? Urgente. Urgente. Encore. Urgente. Voilà, c'est mieux. Donc, lo necesito, j'en ai besoin. Lo necesito ahora, es muy urgente. J'en ai besoin maintenant, c'est très urgent.